Un rendez-vous d'amitié consacré aux cinquantenaires de la Fédération internationale de taekwondo a eu lieu le 17 courant. Y étaient présents Lee Yong-sun, président de la fédération, la délégation de taekwondo et les intéressés de taekwondo. À la suite des interventions, il y a eu les jeux sportifs et de distractions.